ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs, nous voudrions tous nous aider. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas le haïr, ni humilier personne. Chacun de nous a sa place sur notre terre, elle est bien assez riche. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. Nous l'avons oublié. Qui nous apporte l'abondance, nous laisse dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Les avions intérieurs nous ont rapprochés.